Au Maroc, le taux de chômage a enregistré un léger recul en 2019. Il s'est établi à 9,2% contre 9,5% une année auparavant. L'économie marocaine a créé 165 000 postes d'emploi durant l'année 2019, surtout dans les secteurs des services, des bâtiments et travaux publics et de l'industrie. En 2018, ce nombre de postes n'a pas dépassé les 11 000, indique le Haut Commissariat au Plan dans sa note d'information relative aux principaux indicateurs du marché du travail de l'année dernière.